Je suis fracagé, même pas fait ma prière. Le temps c'est des hassanades, c'est de l'argent aussi. Comme toi je suis malade, je cours après ce qui m'échappe, je m'épuise aussi. Mais mes fils en un, j'arrive plus à dormir. Panique, je souffre, mon cœur est malade, mon âme veut se repentir. Je recherche l'antidote. Yuma, pardon ton fils. Je suis dans un bloc, clope et des clopes, y'a de la piste. Des fois je gamberge, j'écoute du Hesri. Je fais que rouler toute la nuit. Je croyais que tu étais mon ami. Je me confie à toi, tu racontes toute ma vie. Des fois je gamberge, j'écoute du Hesri. Je fais que rouler toute la nuit. On s'était dit pour la vie. Rompsenta, les coups de Rani. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai perdu mon temps. Les mains faites pour de l'or. Tu veux me voir couler? J'ai fumé, je me suis saoulé. Mais je me suis jamais écroulé. Je connais le vrai visage des gens. Je connais le vrai visage des gens. Quand tu es en chien, y'a personne qui t'attend. Moi je veux de l'or et de l'or et de l'or. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai perdu mon temps. Les mains faites pour de l'or. Les mains notent en argent. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Les mains faites pour de l'or, les mains notes en argent. Quoi, toi, qu'est-ce que tu connais de ma vie? Petit berbère est devenu prince de sa vie. J'ai donné, je m'en bats les couilles des gâtis. Je veux juste une fille à piscine pour Alia et Djibril. Je tire de trois barres et je plane et je plane. J'entends à ma gauche le chétan qui ricane. L'envie tout brûler ramène un jerrycan. J'suis entre deux flammes. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai perdu mon temps.